suis le schtroumpf chanteur de musette. Viens là que je te schtroumpf ma quéquette. Si t'es une schtroumpfette et que t'aimes le bâton, si t'adores le saucisson, une petite schtroumpf sur les fesses. Ce soir je la schtroumpf en levrette, en lui chantant du Luis Mariano. Je lui schtroumpf la boîte à Benko, en lui chantant du Luis Mariano. Je lui casse la boîte à Benko. C'est ça. Bonjour madame, on m'a schtroumpfé une fuite dans votre téléviseur. Je viens pour la réparer. En effet, je vois que la fuite vient du tube cathodique. À propos des tubes cathodiques, j'aimerais bien voir le vôtre. Je vois que tu me regardes depuis tout à l'heure avec tes schtroumpfs de salope. Retourne-toi, petite catin, que je puisse te ramener la boîte à Suchard.